إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا دليل قاطع وساطع على أن لا يحتاج إلى تأويل ولا تفسير باعتبار السنة مصدراً من مصادر الوحي والتشريع لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا بد من تعظيم السنة والعمل بها فلولا السنة ما عرفت تفاصيل العبادات ولا المعاملات ولا الكثير من أحكام الشرع فالقرآن يجمل والسنة تفصل ولم يخالف بذلك أحد ومن أنكر السنة فقد أنكر الدين ومن طعن في أحد أو وما طعن أحد في السنة إلا وهو يطعن في الدين ولذا دأب الزنادقة وأعداء الدين مثل الشيعة الرافضة وغيرهم من الزنادقة وأعداء الدين مثل المستشرقين والنصارى واليهود دأب هؤلاء على الطعن في السنة ونقلتها حتى يطعنوا في الدين ثم يثيرون الشبه من وجهة نظرهم الهزيلة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان معصوما فإنا لا نرى العصمة لمن نقلوا عنه وهذه كلمة حق يريدون أن يتوصلوا بها إلى الباطل ونحن نقول لا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية البشر لا عصمة لهم عصمة تامة فالكمال نسبي والصحابة أجمع أهل العلم على أنهم عدول ومعنى العدول أنهم لا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم فنالوا الكمال في هذا الجانب بل وما وصلنا القرآن إلا عن طريق الصحابة والتابعين فأنزل الله القرآن وجعل هناك وسائل لحفظه وعصمهم عن الخطأ في نقله وعن الكذب على نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يعرف عن صحابي أنه كذب في حديث وحاشاهم ذلك ثم دونت السنة واتفقت الأمة على عدالة الأئمة الذين دونوها وأنهم لا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم كأصحاب الكتب الستة والمسانيد والسنن والموطأ ولكن قد ينقلون عن ضعيف ويبينون في مواطن أخرى ضعفه، وبعضهم خاصة في بعض السنن قد ينقلون عن وضاع أو كذاب فيبينون أنه كذاب أو وضاع، إما في نفس المصدر أو في كتب تراجم الرجال، ليحذر من أخذ حديثه، ليحذر من أخذ حديثه، فكان لا بد من أن تحوي مدونات بعضهم الصحيح والسقيم. ولكن هناك أئمة اشترطوا شروطا حازمة بأن لا يوردوا في كتبهم إلا الصحاح، كأمير المؤمنين في الحديث أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، الذي وضع شروطا صارمة في الرواية الذين ينقل عنهم، لذا أجمعت الأمة على صحة صحيحه، ومثله الإمام مسلم وإن كان شرطه أقل، إلا أنه لا يرد إلا الصحيح. فالإمامان البخاري ومسلم نقلت الأمة أو تلقت الأمة صحيحيهما بالقبول، فلا مجال لمخالفة الإجماع، فكل ما يورده البخاري في صحيحه صحيح في من نقله عنه، لا شك في ذلك ولا ريب. وقد نال البخاري مكانته العظيمة بسبب دينه وعلمه، وانظر كيف كتب الله له القبول، فأحبه أهل الإسلام من عرب أو عجم حبا لله ولدينه. الله لا لعصبية ولا لقبلية، وهذا هو الحب الذي يتمناه الإنسان، حب الله والحب لله وفي الله. إن الذين يثيرون الإشكالات على صحيح البخاري وهم تلاميذ الزنادقة من الرافضة الشيعة والمستشرقين من اليهود والنصارى وغيرهم من الملاحدة أو المتأثرين بهم، والبخاري قدم خدمة عظيمة لهذا الدين، ومن شك في صحيح البخاري ورفض العمل بما فيه فهو راد للسنة بأكملها، وهذه مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بكلامه. ومن أين عرفنا كلامه؟ من خلال النقلة عنه. فمن طعن في النقلة عنه فهو يريد أن لا تصل السنة للناس، ومن ثم لا يعرفون الشرع، وهذا أمر واضح لا غرابة فيه. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يعظم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجل رواتها، وأن يدعو لهم ويثني عليهم. والكمال نسبي، فقد يكمل للإنسان بجانب ولا يكمل بجانب آخر. ورواة السنة الثقات الثبوت العدول كملوا في هذا الجانب، وحكم العلماء على عدالتهم، فلا يعتد بعد ذلك بمن خالف الإجماع. عباد الله، يجب أن نفرق في الحكم على من رد حديثا وبين علل الرد وعلل الرفض في السند أو المتن، وكان من أهل العلم والاختصاص، فلا شك أنه يؤجر على ذلك، لأنه بذلك يتضح الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ والشاذ والمنكر والمعلق والمنقطع، وليس هذا مجال حديثنا، وإنما الحديث عن من رد السنة بأكملها دون أن تكون العلة في الأسانيد أو المتون لعلل حديثية وهو ليس من أهل العلم. فهذا الذي علينا أن نؤمن بأنه مناقض لإجماع المسلمين منذ زمن الصحابة، وقد حكم جماهير أهل العلم على كفر راد السنة لعدم الإقرار بها مكتفيا بالقرآن، كالقرآنيون والقديانية والأحمدية، ويسمون القديانية أو الأحمدية، وهؤلاء لا يؤمنون بالسنة، وكذلك كثير من الزنادقة والفرق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، اعلموا أن السنة قد اجتمع العلماء على أن من ردها كفر وخرج من دائرة الإسلام. وقد قال كثير من أهل العلم وذكروا هذا في مؤلفاتهم، ومنهم الإمام ابن حزم رحمه الله يقول رحمه الله: فلم يسع مسلما مقرا بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن فعله مستحلا للخروج عن أمرهما موجبا لطاعة أحدهما دونهما فهو لا شك كافر. ويقول الإمام الآجري رحمه الله صاحب كتاب الشريعة في عقيدة السلف، يقول رحمه الله: جميع فرائض الله الذي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل دائرة الملحدين. ويقول الإمام السيوطي رحمه الله: من أنكر كون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من الفرق الكفرة. ويقول العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: من أنكر السنة وقال بعدم الحاجة إليها كفر وردة عن الإسلام، لأن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن أنكرهما أو أنكر أحدهما كفر بالإجماع، يعني بإجماع المسلمين. والنقول من أهل العلم في ذلك كثيرة لا مجال لصردها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné dans son livre de lui obéir et d'obéir à son messager. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé ce principe. وَمَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Et le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien il dit plutôt: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ. Et obéissez à Allah et obéissez au messager. Et la parole du messager fait partie de la révélation d'Allah, fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc la révélation d'Allah ne se limite pas uniquement à ce qui est mentionné dans le Coran, la parole d'Allah, mais il y a également de ce qui fait partie de la révélation, il y a la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement à propos du messager à ce sujet, yani wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala et en ce qui concerne sa religion ne fait partie que de la révélation et de la religion d'Allah que Allah lui a révélée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement à ce sujet-là, kana jibril yanzilu bil quran, kana jibril yanzilu bis sunnah kama yanzilu bil quran. C'est-à-dire que Jibril, il descendait avec la sunna comme il descendait avec le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, il dit وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ. Il leur enseigne le livre et la sagesse. Et les ulama, comme par exemple l'imam Shafi'i rahimahullah, qui dit que la sunna dans ce verset signifie, la hikmah dans ce verset signifie la sunna. Al-hikmah fi hadhihi al-aya hiya as-sunnah. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas seulement enseigné le Coran, mais il a enseigné également la sunna. Et en réalité, comme les ulama l'ont expliqué, le Coran donne les règles globales, les grandes lignes et les règles générales de la religion. Tandis que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle vient détailler les questions, expliquer les points plus détaillés et les règles et les conditions des adorations qu'on fait. Et sans la sunna, on ne pourrait même pas savoir comment faire le wudu, comment faire le rusul, comment faire la salat, comment faire la zakat, comment faire le jeûne du ramadan. Pourquoi? Parce que les détails de ces adorations-là se trouvent uniquement dans la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela dans une grande sagesse. Et c'est pour qu'il y ait justement la nécessité dans la religion de retourner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que ça fait partie également de nos devoirs et de nos obligations en tant que croyants. Et c'est pour établir également la sincérité des gens par rapport à leur foi en le messager sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il y a des égarés et des gens de toutes sortes de formes d'hérésie et d'égarement parmi les différentes sectes, comme la secte des Rafida, parmi les Shia et d'autres, ou bien parmi les orientalistes, c'est-à-dire les non-musulmans, comme les juifs et les chrétiens ou les athées, qui se spécialisent dans l'étude de la religion musulmane. Et la raison pour laquelle ils se spécialisent dans ces domaines, c'est pour essayer justement de semer des doutes et des ambiguïtés dans le cœur des croyants au sujet justement de la religion d'Allah et en particulier au sujet de la sunna. Et donc, on entend souvent ces gens-là qui essaient de remettre en question ou de mettre des doutes dans le cœur des gens au sujet de ceux qui nous ont transmis la sunna. Et c'est pour ça que les Shia, par exemple, ils ont déclaré kuffar la majorité des sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont considéré que tous les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont devenus kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ils ont refusé de prendre comme successeur et khalifa le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Donc ils ont dit par conséquent, puisqu'ils ont refusé Ali, donc ils ont tous quitté l'islam, ils sont tous devenus des kuffar. Donc pour eux, Abu Bakr, Omar, Uthman, ce sont la tête des mécréants, la tête des koufars pour eux. De même que le reste des sahaba, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en particulier Aïcha, qu'ils s'amusent à insulter et à dénigrer. Et de même que les autres parmi les sahaba également, excepté peut-être 5 ou 6, qu'ils disent non, eux ils n'étaient pas des koufars, mais les autres, pour eux, sont tous des koufars. Donc c'est... pour eux, ça veut dire que n'importe quel hadith qui est rapporté par l'un d'entre les sahaba, ils ne vont pas l'accepter. Ils ne vont pas le considérer comme étant un hadith. Ils n'acceptent que ce qui est rapporté par ceux qu'ils appellent leurs imams, ou ceux qu'ils considèrent ou qu'ils prétendent faisant partie de Ahlul Bayt, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, ils attaquent et ils critiquent la sunna, et les juifs et les chrétiens, justement, ils utilisent ces gens-là et ces groupes d'égarements-là aussi pour combattre l'islam de l'intérieur. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la Ummah, elle est d'accord, et elle s'est mise d'accord depuis le début, sur le fait que les sahabas sont tous udoul. C'est-à-dire que c'est impossible que l'un d'entre eux se permette de mentir sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans cet aspect-là, ils sont infaillibles et ils sont protégés de cet égarement et de cette erreur-là. Et ceux qui ont rassemblé et rapporté la sunna jusqu'à nous aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui nous ont rapporté le Coran. Donc si quelqu'un émet des doutes ou des ambiguïtés au sujet de la sunna qui nous a été transmise et de son authenticité, il attaque également ceux qui nous ont transmis le Coran. Et ils nous mettent des doutes, justement, ils essaient de mettre des doutes, justement, au sujet de ça. Donc ceux, par exemple, qui critiquent, comme les Rafida, qui critiquent Abu Bakr, qui critiquent Omar, qui critiquent Uthman, et qui critiquent le reste des Sahaba, et qui les déclarent kuffar, eh bien, ce sont eux, ces grands imams et ces grands Sahaba, qui nous ont transmis le Coran. Si tu dis que ce sont des kuffars, ça veut dire que tu mets des doutes dans le cœur des gens au sujet de l'authenticité du Coran. Et c'est pour ça que dans les livres des Shia, Rafida, tu trouves les narrations qui mentionnent que pour eux, le Coran que les musulmans possèdent aujourd'hui, ils disent c'est pas le vrai Coran. Ils disent nous on a un autre Coran qui est, ils l'appellent Mus'haf Fatima, et ils disent c'est lui le vrai. Et lui il est caché avec l'imam Mahdi. Ils disent il est pas mort, il est devenu invisible. Depuis 1200 ans, ils disent que vers la fin des temps, il va réapparaître pour faire sortir Abu Bakr et Omar de leur tombe et pour les châtier. Hein? Donc, ils disent avant la fin des temps, leur Mahdi, que eux ils attendent, il va revenir vers la fin des temps, il va faire sortir Abu Bakr et Omar de leur tombe, accrocher leur corps sur un arbre et les châtier, hein? Pour, hein, soi-disant, avoir volé le khilafa à Ali radiallahu anhu. Il n'y a pas de doute que tout ça fait partie des mensonges et des fabrications et des blasphèmes des Rafida au sujet de la religion d'Allah. Mais il faut savoir que ces gens-là existent. Et il faut savoir qu'alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'il y ait des grands hommes, des grands savants qui ont pu, avec leur piété et leur savoir, préserver la religion d'Allah et les hadiths du messager, entre autres, hein, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, hein, dont les hadiths sont les hadiths les plus authentiques qui soient. Et leurs livres, tout ce qui est dedans, les savants sont d'accord à l'unanimité que ce qui est dedans c'est sahih, authentique. Et dans les autres livres, parmi les livres de la sunna, comme les sunan, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Muwatta de l'imam Malik, Musnad de l'imam Ahmad, et d'autres parmi les livres des recueils de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en grande majorité, ce qui est rapporté dedans aussi est authentique. De même que Al-Mustadrak de l'imam Al-Hakim, et beaucoup d'autres. C'est des hadiths, la grande partie de ce qui est dedans est authentique. Il y a par contre dedans, il peut y avoir des hadiths qui sont faibles. Et il peut y avoir aussi même parfois certains hadiths qui ont été fabriqués. Mais les savants de ces rapporteurs, des rapporteurs de ces hadiths-là ont mentionné dans ces livres ou dans d'autres références que tel ou tel rapporteur, il n'est pas authentique. Et ils ont clarifié, hein, le fait que certains des rapporteurs ont certaines erreurs ou certains problèmes dans le but d'avertir les musulmans au sujet de ces narrations-là. Donc ils les ont mentionnés, ces hadiths fabriqués ou faibles, dans leurs livres pour que les musulmans soient avertis. Faites attention à ce hadith, il est faible. Si vous entendez des gens qui le rapportent, vous savez qu'il n'est pas authentique. Et c'est certain que les savants qui ont écrit ces livres-là, à la base, ils les ont écrits pour les savants, non pas pour les gens qui ne connaissent pas la science du hadith. Mais, alhamdoulilah, à notre époque, il y a eu des grands imams et des grands savants qui ont séparé entre les hadiths authentiques et les hadiths faibles, et entre autres le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, qui a fait un immense travail dans ce domaine-là, et qui a fait justement la clarification des sunan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux voir Sahih Sunan al-Tirmidhi, Da'if Sunan al-Tirmidhi, Sahih Sunan Abi Dawud, Da'if Sunan Abi Dawud. Pourquoi? Parce qu'il a clarifié et distingué dans ses livres les hadiths qui sont sahih et les hadiths qui sont da'if. Donc il ne reste plus aujourd'hui de raison pour les musulmans d'avoir des problèmes ou des doutes en ce qui concerne l'authenticité des hadiths, parce que tout cela a été expliqué et clarifié par les ulama. Donc aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.